بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 9 dans l'explication du livre. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. Et on est arrivé maintenant dans le chapitre, dans le livre, qui s'intitule Tafsir al-Jama'ati al-Waridati fil Ahadith, c'est-à-dire l'interprétation du terme Jama'a tel qu'il est mentionné dans les hadiths, tel qu'on le retrouve dans les différents hadiths, dans la Sunna qui parle à ce sujet. Et donc ici maintenant, le Cheikh Rahimahullah, il va donner cette explication. L'explication telle qu'elle est mentionnée dans les différents hadiths et qu'est-ce que les ulama de Ahl-Sunnah ont mentionné comme clarification à ce sujet-là. Parce que le terme « jama'a », il peut avoir plusieurs significations et donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il signifie et en particulier dans le contexte des différents hadiths maintenant qu'on a lus jusqu'à aujourd'hui qui nous ont expliquer justement yani, l'importance de rester accroché à la jama'a et l'interdiction de s'en séparer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme jama'a? Et yani, c'est sûr que la clarification de ce terme, c'est essentiel pour vraiment bien comprendre le sujet, parce que c'est le cœur même du sujet. Et donc, de comprendre la jama'a, si on ne le comprend pas, eh bien, on ne peut pas vraiment savoir comment l'appliquer ou comment mettre ce principe en application. Donc, ceci dit, on va commencer maintenant avec la clarification que le Cheikh a mentionnée ici. Et donc, il dit ici, « Rahimahullah, al-jama'atu al-waridatu fil-ahadith hiya jama'atu al-muslimina wa imami wa alladhina lahum imamun zahirun. » Donc, Jama'atul Muslimin, hiya Jama'atul Muslimin, alladhina lahum imamun zahirun. Et ça, c'est la définition. Je vais traduire cette phrase. Le Cheikh, il dit que la Jama'a qui est mentionnée dans les hadiths, c'est laquelle? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la Jama'a des musulmans qui ont un dirigeant qui est apparent. Donc, pourquoi il dit ici un dirigeant qui est apparent? Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes parmi les groupes d'égarement et parmi les sectes qui ont dévié, comme les Rafida par exemple, ou bien aussi parfois les Khawarij, ils ont un dirigeant ou ils ont un imam, quelqu'un qu'ils considèrent comme étant imam, mais cet imam-là, il est caché. Il est caché et il n'a aucune autorité réellement. C'est juste quelqu'un qu'ils ont désigné comme étant leur imam. De même que certains groupes aussi, certaines jama'at, ils ont leur chef dans leur jama'a. Ou certains soufis, par exemple, dans leur tariqa, ils ont un homme qu'ils considèrent comme étant le chef ou le responsable de la tariqa. Ou bien ils l'appellent même parfois le khalifa de la tariqa. Et ils pensent que ces gens-là sont leurs dirigeants ou leur imam, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune autorité. Donc, ils ne sont pas apparents, ces dirigeants-là. Nous, on parle du dirigeant qui est apparent, celui qui est officiel, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde voit, et celui autour duquel tous les musulmans dans un pays se sont réunis et rassemblés. Donc, il dit ici, le Cheikh, « Faman kharaja ala l'imam alladhi bayaahu al-muslimuna faqad lahiqahu al-wa'idu al-shadid fil khariji an al-jama'a. » Donc, quiconque sort ou se rebelle ou se révolte contre le dirigeant que les musulmans auquel les musulmans ont donné allégeance, donc quiconque se rebelle contre le dirigeant auquel les musulmans ont donné allégeance, eh bien, il sera donc touché par les différentes menaces sévères qui ont été mentionnées au sujet de celui qui sort de la jama'a. Et le Cheikh, il mentionne maintenant une citation de l'imam al-Tabari. Il dit, قال ابن جرير الطبري رحمه الله والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة انتهى. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles donc de l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Il dit qu'est-ce qui est correct à propos de l'explication de ce que signifie la jama'a. On veut dire par là, comme c'est mentionné dans l'information, dans les différents hadiths qui parlent justement de rester avec la jama'a, on parle de ceux qui se sont réunis, ceux autour duquel les gens se sont mis d'accord et se sont réunis sur son obéissance. Donc quiconque retire par la suite sa main de son allégeance, alors à partir de ce moment-là, il sort de la jama'a. Fin de la citation. Donc ici, on le voit clairement, et la question de la bay'a, on l'a déjà clarifié, hein, en ce qui concerne l'allégeance, on a déjà clarifié que ce n'est pas une condition, ce n'est pas nécessaire, hein, et même que en grande majorité du temps, et grande majorité des cas, comme c'est arrivé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq et des autres khulafa, ce n'est pas nécessaire que tous les musulmans donnent allégeance aux dirigeants. Il suffit que un groupe d'entre eux donne l'allégeance aux dirigeants et que les gens, par exemple, d'autorité, les gens de science, les ulama, les chefs des tribus, les chefs les différents gouverneurs des différentes régions, alaykoum salam wa rahmatullah, si eux donnent allégeance aux dirigeants, alors, dans ce cas-là, on va considérer que hein, c'est lui le dirigeant, même si ce ne sont pas tous les musulmans qui ont donné l'allégeance directement aux dirigeants. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit « وَمِنْ أَقْوَى مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَا نعم وتقدم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا أن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne que parmi les choses les plus fortes qui supportent ou qui confirment cette signification de la jama'a, c'est le hadith de Hudhayfa qu'on a déjà lu, hein, lorsque il mentionne justement le bien, hein, on était dans l'ignorance et Allah nous a donné ce bien qui est l'islam, est-ce qu'après ce bien il y aura un mal et ainsi de suite. À la fin il parle du dirigeant et de la jama'a. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qu'on a mentionné déjà également, qui est le hadith qui dit donc que Allah est satisfait pour vous de trois choses, et dedans il mentionne la jama'a, hein, et de rester avec la jama'a, de se cramponner à la jama'a et de donner la nasiha aux dirigeants et ainsi de suite. Et on a déjà mentionné également la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr au sujet du hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu. Na'am, donc juste pour confirmer le hadith de Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc c'était la narration d'Abdullah ibn Abbas rapportée par Al-Bukhari et Muslim qui dit man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata maytatan jahiliya. Donc ça c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas. Donc c'est pas celui que je viens de mentionner, c'est celui de Abi Huraira. Donc celui qui dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses, ça c'est le hadith de Abi Huraira. L'autre hadith que je viens de lire, c'est le hadith d'Ibn Abbas qui dit que quiconque déteste quelque chose de son dirigeant, alors qu'il soit patient, parce que quiconque sort de l'autorité de son dirigeant, même d'une petite distance, alors il meurt d'une mort de la jahiliya. Donc, Ibn Abd al-Barr, il dit à propos de la narration de Abu Huraira, Allah est satisfait pour vous de trois choses, que la signification de ça, c'est la jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont réunis autour d'un dirigeant qu'ils écoutent et auquel ils obéissent. Fin de la citation. Il dit ensuite وَفِي هَذَا الزَّمَنِ الَّذِي تَعَدَّدَتْ فِيهِ الدُّوَلِ فَإِنَّ جَمَعَةَ الْمُسْلِمِينَ تَتَمَثَّلُ فِي الْحُكُومَةِ الْإِسْلَامِيَةِ الَّتِي تَحْكُمُ قُطْرًا من أقطار المسلمين، فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة المسلمين في هذا القطر، يجب أن تطاع في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها، وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية، فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن مات فميتته جاهلية، ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. Donc ici le cheikh il explique que à notre époque dans laquelle il y a plusieurs pays, hein, des pays musulmans. Donc les pays musulmans maintenant ils sont nombreux, ils sont tous séparés. Eh bien la jama'a des musulmans elle est représentée dans la région dans laquelle le dirigeant de chaque contrée est installé. Et donc il dit la jama'a des musulmans qui représente un gouvernement qui est musulman, qui est basé sur l'islam et qui juge dans cette partie du monde parmi les différentes parties des pays musulmans. Et donc il dit le jugement de, par exemple, le gouvernement de l'Arabie Saoudite, c'est la jama'a des musulmans dans cette région-là. Et il est obligatoire pour les musulmans de ce pays-là d'obéir aux dirigeants dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance de son messager. Et il leur est interdit de se rebeller ou de se révolter contre le dirigeant des musulmans dans cette région-là. Et c'est ainsi pour le reste des pays musulmans. C'est ainsi pour le reste des pays musulmans. Donc quiconque se rebelle ou se révolte contre le dirigeant, alors il a retiré de son cou le collier qui le rattache à l'unité et à la protection des musulmans. Et il meurt donc d'une mort de la jahiliya. Et il rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucun argument en sa faveur. Et sa rétribution dans cette vie d'ici-bas, c'est, comme on l'a déjà mentionné, la peine de mort, hein, qu'il soit frappé par un coup d'épée jusqu'à ce qu'il meure. Donc, hein, on lui frappe le cou jusqu'à ce qu'il, on lui frappe le cou avec l'épée jusqu'à ce qu'il meure. C'est la peine de mort pour celui qui se rebelle contre le dirigeant et qui divise la jama'a. Le cheikh il mentionne ensuite, il dit وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج على عليه العصا فهو شاق عليه العصا هذا الخارج وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة رواه اللالكائي في كتاب السنة. Donc ici le cheikh il mentionne que l'imam Ali ibn al-Madini qui est un des imams parmi les imams des salaf, il dit que quiconque se rebelle contre un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, autour duquel les musulmans se sont réunis et ils ont accepté et approuvé son khilaf, peu importe de quelle manière il a pris le pouvoir, que ce soit par l'acceptation ou l'agrément des gens ou parce qu'il a eu le dessus sur les autres, alors si quelqu'un parmi les musulmans se rebellent contre lui dans ce cas-là, il sort contre lui, alors il a divisé l'unité des musulmans et contredit les textes et les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et s'il meurt dans cette rébellion, eh bien, il meurt d'une mort de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, de l'ignorance. Et il n'est pas permis donc de combattre le dirigeant, ni de se rebeller contre lui, ou de se révolter contre lui pour quiconque d'entre les gens. Et quiconque fait cela, alors c'est un innovateur qui a contredit la sunna, hein, qui est sur autre que la sunna. Et ça, c'est cette aqida, ça fait partie de la aqida de l'imam Ali ibn al-Madini, hein, qui est un des grands imams parmi les imams des salaf, et c'est rapporté également par un grand nombre d'entre les imams des salaf, comme par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam yani, l'imam c'est les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a al-Raziyyin, et c'est rapporté également par l'imam al-Barbahari et beaucoup d'autres parmi les grands imams de la Sunna et les imams des Salaf, l'imam al-Bukhari et d'autres. Donc ils ont tous rapporté cette parole et il y a même un consensus sur ce sujet-là. Et donc le cheikh il dit ensuite qala, donc c'est rapporté, l'imam al-Lalaka, il a cité cette aqida de l'imam Ali ibn al-Madini dans son livre yani Usul i'tiqad ahl al-sunnah wal jamaa, et c'est un livre célèbre qui réunit dedans justement plusieurs croyances des salaf sur différents points, y compris celui-là. قال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وقال الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر ابن سليم والشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لأحد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح للمسلمين ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة والشفقة عليه والرفق بهم والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام والذب عنها وإقامة العدل بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقيها فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان انتهى كلامه. Donc ici on va terminer ce chapitre en traduisant cette dernière citation que le cheikh a mentionnée de plusieurs ulama qui ont rapporté les preuves au sujet de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans tout ce qui n'est pas un péché. Et ils ont donc cité ces paroles-là, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif, le cheikh Saad ibn Hamad ibn Atiq, le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, et le cheikh Omar ibn Salim, et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Tous ces ulama sont parmi les ulama de la da'wa al-Najdiya al-Salafiyya, parmi les descendants des élèves de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils ont donc rapporté ces preuves au sujet de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant, et après ça, ils ont clarifié le principe et la position des ulama à ce sujet-là. Et ils ont dit, il a été établi, et donc, il faut savoir que l'imam, c'est-à-dire Abdul Aziz, le roi Abdul Aziz, Ibn Abd al-Rahman al-Faisal à l'époque, parce que c'était lui qui était le roi à cette époque-là, il a été, son allégeance et sa gouvernance a été établie. Il est donc obligatoire de lui, à la population de lui obéir dans ce que Allah a ordonné parmi les droits. Et parmi cela, la question du djihad, hein, l'ordre de combattre ou de faire la guerre ou de faire le djihad et de combattre les et de faire la guerre aux kuffar et, ou de faire la paix avec eux ou de signer des contrats avec eux parmi les juifs et les chrétiens qui vivent chez les musulmans, de faire des contrats de dhimma avec eux. Ça, c'est des responsabilités du dirigeant. Et également, parmi ces choses-là, il y a également les choses qui ont rapport avec les droits du dirigeant. Et toutes ces choses-là sont parmi les choses qui ont rapport avec le droit des dirigeants. Donc, quelqu'un n'a pas le droit de se mêler de ces décisions-là. C'est-à-dire, quelqu'un parmi le commun des musulmans n'a pas le droit de se mêler ou de s'objecter à ces décisions, dans ces questions-là. Les questions du djihad, c'est pas à n'importe quel musulman de se mêler de ça. Malheureusement, on voit qu'à notre époque, il y a des individus parfois qui se permettent de mettre leur nez dans ces affaires-là et de vouloir même essayer d'émettre des jugements dans ces questions-là et qui pensent même pouvoir faire le djihad sans le dirigeant. Hein? Et c'est ça le résultat de ce qu'on voit actuellement dans certains groupes, comme des groupes d'égarement comme les Al-Qaïda ou d'autres, Daesh ou d'autres groupes de ces tendances-là, et les frères musulmans, et ils se donnent le droit de décider qui et quand et comment on va faire le djihad, et ils vont par-dessus la décision des dirigeants qui sont en place dans les pays musulmans, et ce qui fait que ça crée du désordre, ça crée du chaos, et ça crée de la confusion, et ça crée plein de problèmes, et par la suite, on voit qu'est-ce que ça a comme conséquence. Par exemple, des exemples des actes de terrorisme que ces gens-là pratiquent, et également toutes sortes de pertes de vie et pertes de biens. Donc, ce n'est pas aux gens de prendre ces décisions-là et de se mêler de ce genre de choses-là. Mais plutôt, c'est des choses qui reviennent à la responsabilité du dirigeant. Et ils disent, pourquoi? Parce que ces choses-là sont établies et sont basées sur des réflexions et des observations qui concernent le bien des musulmans de façon générale et de façon plus spécifique et particulière. Et donc, ça nécessite de l'ijtihad, ça nécessite de l'observation. Et ces choses-là sont gérées et sont de la... comme on dit, c'est des choses dont le dirigeant lui-même est garant. C'est à lui que Allah a donné cette responsabilité-là, en dehors de tous les autres musulmans. Et donc, c'est à lui que revient la responsabilité de le faire. Et si jamais il ne le fait pas, eh bien, c'est sûr que c'est lui qui aura des comptes à rendre pour ça. Et le cheikh, il dit, il doit donc craindre Allah dans ces décisions-là et essayer de faire tout son effort pour essayer de bien analyser ce qui est le mieux pour les musulmans et pour l'islam et pour les musulmans, et de demander aux gens qui ont une opinion saine et une compréhension correcte de la religion de prendre leurs conseils et de les consulter dans ces questions-là et de faire preuve de sincérité envers les musulmans. Il est également obligatoire pour lui d'être sincère envers ses sujets, envers sa population, et d'avoir de l'affection pour eux, et d'être doux envers eux, et de regarder et d'analyser les choses dans tout ce qui amène du bien pour leur vie dans cette dunya, et avant tout, bien entendu, dans leur religion, et d'organiser leur vie et leur religion de la meilleure façon, et de préserver les frontières de l'islam et des musulmans, et de défendre ces frontières, et d'établir la justice entre eux, et d'ordonner le bien, et d'interdire le mal, et de remettre les droits à ceux qui les méritent. Donc, si le dirigeant a des manques, ou a des faiblesses, ou a des manquements dans certaines de ces obligations-là, il n'est pas permis à quelqu'un parmi les musulmans, le commun des musulmans, de lui disputer le commandement à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'il a des manquements ou des faiblesses dans certaines de ces choses-là qu'il est permis à quelqu'un parmi les musulmans, parmi la population, de se permettre de disputer à ce dirigeant-là son autorité à cause de ça, puisqu'il y a des textes qui ont été rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirment l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants et de respecter et d'être fidèle à notre allégeance, excepté si, comme c'est mentionné dans le hadith, on voit un kufr qui est clair et explicite au sujet duquel nous avons une preuve venant d'Allah. Alors, ça, c'est tiré du livre Nasihatun Muhimma fi Thalathi Qadaya. Et donc, ça clarifie la position des ulama de la da'wa salafia dans la région de la péninsule arabe. Et c'était avant notre époque, c'est-à-dire à l'époque du premier roi de la dernière du dernier état qui a été établi de l'Arabie Saoudite, à l'époque d'Abdelaziz. Donc c'est lui qui a reconstitué le royaume à son époque. Donc ça, c'est pour dire que c'est ça leur position. Et ça a été la position des ulama des salafs à toutes les époques. Donc ils n'ont pas ramené rien de nouveau à ce sujet-là. Le cheikh, il dit ensuite, un autre chapitre, Al-mafasidul-azima, al-mutarattiba, al-mafasidul-azima, al-mutarattiba, al-mufaraqati jama'ati al-muslimin. C'est-à-dire, les grands méfaits qui découlent, ou qui sont des conséquences de la division, de se séparer de la jama'a des musulmans. Donc, il va mentionner, le cheikh, une dizaine de conséquences négatives qui découlent du fait de se révolter ou de se rebeller contre le dirigeant et de sortir de la jama'a. Et c'est l'avant-dernier chapitre, avant le dernier, qui est le fait de mettre en garde contre les causes qui amènent à la division de la jama'a. Donc on va lire ce chapitre-là au sujet des conséquences. Le cheikh il dit: إن المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم لا يدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أيا كان قصد الخارج. ولقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تاريخ الإسلام فخرج في هذا الباب بقوله البديع: ولعل لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. نعم. Donc il dit, le cheikh, que quiconque réfléchit ou médite sur les conséquences qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala, il va réaliser, quand il regarde les conséquences qui découlent du fait de sortir contre le dirigeant et de diviser la jama'a des musulmans, les punitions qui ont été établies, que ce soit des punitions religieuses ou des punitions dans la dunya, eh bien dans les deux cas, on observe que il y a des méfaits immenses à ces rébellions et à ces révoltes-là et des effets très dangereux, peu importe l'intention de celui qui s'est rebellé contre le dirigeant. Peu importe son intention, peut-être que quelqu'un, il pense qu'il a une bonne intention en faisant ça, mais le résultat est le même. Et le cheikh, il dit que parmi les ulama, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait une analyse historique de la question et il a ramené les exemples de ces rébellions, de ces révoltes dans l'histoire. Et il a dit, après avoir analysé tout ça, il a dit cette parole très, très intéressante. Il a dit que on ne connaît pas un groupe parmi les groupes qui se sont rebellés contre leurs dirigeants à travers l'histoire, excepté que dans leur rébellion et dans leur révolte, il y a eu plus de désordre, et plus de corruption que le désordre qu'ils cherchaient à enrayer. Que le désordre qu'ils cherchaient à enrayer. Et ça, c'est mentionné dans Minhaj al-Sunnah. Il dit ensuite, une autre, une autre citation dans le même livre, وقوله أيضا وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء انتهى كلامه. Donc il dit le cheikh, donc il y a très peu de gens qui sont sortis contre un dirigeant, excepté que les conséquences de qu'est-ce qu'ils ont fait et les conséquences négatives de ce qu'ils ont fait ont ramené plus de mal que de bien. Hein? Et il dit, ceux qui sont, comme ceux qui, sont sortis, qui se sont révoltés contre Yazid à Médine, comme Ibn al-Ash'ath qui s'était rebellé ou révolté contre Abdul Malik, Ibn Marwan en Irak, et également comme Ibn al-Muhallab, celui qui s'était révolté contre son fils au Khurasan, et Abu Muslim, celui qui avait une da'wa à l'époque. Hein? Il avait, je pense, même si je ne me trompe pas, il avait prétendu à un moment donné même qu'il était prophète ou quelque chose comme ça, et il était sorti contre son dirigeant à l'époque, contre le dirigeant à l'époque dans la région de Khurasan aussi. Et il dit ceux qui se sont rebellés contre Al-Mansour, hein, dans la ville de Médine et en Irak aussi. Et beaucoup d'autres exemples. Beaucoup de ces rébellions se sont passées également dans la région de l'Irak. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même annoncé que la fitna allait venir de cette région-là. Et c'est effectivement un endroit duquel beaucoup de fitnes sont apparues. Hein, malheureusement. Le cheikh, il dit, donc ça c'est la fin de la citation, après il dit, فَهَذَا اسْتِقْرَاءٌ تَارِخِيٌ مِنْ إِمَامٍ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَكَلَامُهُ هَذَا حَقٌّ قَامَتِ الْبَرَاهِينَ عَلَى تَصْدِيقِهِ وَنَطَقَتْ بِذَلِكَ أَلْسِنَةُ التَّارِيخِ وَمَنْ تَأَمَّلَ أَحْدَاثَ التَّارِيخِ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ شَيْخ الْإِسْلَامِ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب rahimahullah ma yadullu ala dhalik. Donc il dit le cheikh que ça c'est une lecture historique, hein, de la part d'un imam. On n'a rien à rajouter à ce qu'il a dit parce que sa parole est vraie et les preuves qui confirment cela sont nombreuses. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et les langues de l'histoire ont parlé, hein, à ce sujet-là. Et donc quiconque médite sur les événements qui se sont produits dans l'histoire, il ne va sortir que avec cette conclusion-là. Donc, le cheikh, il mentionne, il dit donc c'est une lecture historique de la part de cet imam. Il dit quiconque étudie les événements de l'histoire, eh bien, il ne sort pas de qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, hein, a mentionné à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il dit on a lu des paroles également de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab qui confirment justement ce qu'on a lu de la part de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et il dit وَيَكْفِي فِي التَّعْبِيرِ عَنْ مَفَاسِدِ الْخُرُوجِ وَوَبَالِهِ عَلَى الْأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ حَدِيثٌ مُوجَزٌ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنُ بَشِيرٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة وفي لفظ الجماعة بركة والفرقة عذاب أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والخرائط في فضيلة الشكر وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وصح عن ابن عباس أنه قال قدم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. فتأمل في هذه الأحاديث والآثار ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. Donc ici le cheikh il dit parmi les choses il est suffisant de mentionner pour exprimer les méfaits de la rébellion et de ses conséquences désastreuses sur les individus et sur les sociétés, le hadith résumé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qui est authentique, apporté selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jama'a, le fait d'être uni autour d'un dirigeant, ça c'est une miséricorde, tandis que la division c'est un châtiment. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad et son fils Abdullah dans Al-Zawa'id, et l'imam Ibn Abi Asim l'a mentionné dans son livre As-Sunnah. Et dans une autre narration de ce même hadith, le terme est remplacé par la baraka au lieu de Ar-Rahma. Donc la jama'a c'est une bénédiction, tandis que la division c'est un châtiment. Et c'est rapporté par Ibn Abi Dunya dans son livre Al-Shukr, et ainsi que Al-Khara'iti dans son livre Fadilat al-Shukr. Et il est également rapporté de façon authentique que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit dans une khutbah qu'il a faite que ce que vous aimez, ce que vous détestez dans la jama'a est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ce que vous détestez lorsque vous êtes unis autour de votre dirigeant, c'est meilleur que ce que vous détestez, c'est meilleur que ce que vous aimez alors que vous êtes divisé. Et il donne un autre exemple de ça aussi, la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a dit je préfère manger du sel, hein, je préfère manger du sel avec la jama'a, ou bien manger du sel avec la jama'a est préféré pour moi que de manger des gâteaux ou bien des pâtisseries dans la division. Et quiconque médite ces hadiths et ces narrations, il voit les effets négatifs et néfastes de la rébellion contre le dirigeant et de se séparer de la jama'a. Donc, فتأمل في هذه الآثار والأحاديث والآثار ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. إن الفرقة عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. Hein? Donc il dit la division ça sera toujours un châtiment pour l'âme, un châtiment pour le corps, un châtiment dans toutes les formes de la vie et des choses qui ont rapport avec la vie et le vivre ensemble. Et il n'y a pas de doute que lorsque on est dans une société et que dans cette société-là, il y a des divisions et des rébellions et des guerres civiles et des troubles et des fitanes, hein, et qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre, hein, et que chaque groupe se divise et que il commence à s'entretuer, hein, comme c'est le cas, c'est arrivé dans plusieurs pays, eh bien, les gens, ils étaient unis, ils étaient tous rassemblés autour de leurs dirigeants, et le résultat par la suite, c'est qu'ils se sont tous mis à s'entretuer et à se combattre les uns les autres, et ça, c'est sans oublier toutes les autres conséquences de la perte de stabilité, la perte de sécurité et toutes les autres conséquences qu'on va mentionner également. Le cheikh il dit maintenant: فتأمل هذه الأحاديث والآثار ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. إن الفرقة عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ولذا أخبر ابن عباس أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم إمام قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم أحب إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعة. وأي حلوى يستلذ بها الإنسان وهو خائف على ماله ودمه وعرضه ودينه. الشيخ الديسي دونك يعني كنا expliqué que la division c'était un châtiment et que c'est un châtiment pour l'âme et un châtiment pour le corps et c'est un châtiment qui s'infiltre dans tous les différents aspects de la vie et du vivre ensemble entre les gens. Et la raison de ça, le cheikh il l'illustre très bien lorsqu'il mentionne l'explication de la parole de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a dit que de manger du sel, hein, et qui aime manger du sel? Personne aime manger du sel. Tu vas pas prendre une cuillerée de sel, tu manges ça là, hein? Personne va manger du sel. Mais il dit, je préfère manger du sel et d'être uni avec les gens en voulant dire, même si je suis réuni autour de mon dirigeant et qu'on est dans une situation précaire, on n'a rien d'autre à manger que du sel. On est dans la pauvreté, dans le manque ou dans la difficulté. Mais on est uni et on est avec un dirigeant qui organise notre vie et nos affaires. Je préfère ça, hein, que d'être... Hein, parce que au moment où je suis avec mon dirigeant, même si par exemple il y a des manques ou il y a des problèmes, mais la société, les choses sont, il y a une stabilité, le pays est en paix et en sécurité, ça c'est plus préférable pour les gens intelligents que de manger des pâtisseries, des sucreries et des choses appétissantes, alors que dehors c'est le chaos, c'est le désordre, hein, et que tout ça découle du fait qu'on se soit rebellé ou divisé de la jama'a. Il dit, quelle saveur ou quel plaisir tu vas tirer de manger des pâtisseries ou des sucreries alors qu'à l'extérieur, les gens ont peur pour leur bien, pour leur vie, pour leur honneur, pour leur religion. Quel plaisir tu vas retirer? Et les gens, ils ne réalisent pas ça, mais en réalité, c'est la réalité lorsque on vit cette situation-là. Nous, on n'a pas vécu cette situation-là, mais on a vu d'autres personnes qui l'ont vécu. Donc, même si on ne l'a pas vécu nous-mêmes, c'est comme le dicton en arabe qui dit « As-sa'idu man mu'idha bi ghayri », hein? « Heureux celui qui prend une leçon de ce qui arrive aux autres, hein? ». Donc, ce n'est pas nécessaire que tu vives cette situation-là toi-même pour savoir à quel point c'est grave. Mais regarde ceux qui sont dans cette situation-là actuellement et tu vois que... Hier, ils étaient dans la sécurité, ils étaient dans la tranquillité. Bien entendu, peut-être qu'ils avaient des problèmes, certains problèmes, mais c'est incomparable à ce qu'ils ont maintenant comme problème. Et si tu regardes, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, comme tu regardes qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé en Irak, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Libye, qu'est-ce qui s'est passé en Somalie et dans d'autres pays comme ça. Hier, hein, tu pouvais aller à la mosquée en paix et marcher et aller sortir et voyager, faire tes affaires avec ta famille. Tout était bien, hein, organisé. Tu avais des poubelles ou des déchets, tu les mets quelque part. Les gens viennent, ils les ramassent, ils les amènent quelque part ailleurs pour pas que tu sentes les ordures et que tu vois les saletés devant chez toi, hein, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus rien de ça. Même tu veux aller au marché, peut-être tu vas arriver au marché, tu ne vas pas trouver de la nourriture ou tu ne vas pas trouver des choses bonnes ou des choses fraîches. Ou peut-être que les choses vont tellement être chères que ça va te coûter une fortune pour acheter une patate, hein. Tu voudras acheter une patate, tu vas la payer 10 dollars pour un kilo. Au lieu de payer 2 dollars, tu vas payer 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Hein? Et donc, la marchandise augmente. Hein? Comme on sait, l'offre et la demande. S'il y a une grande demande, mais il n'y a pas beaucoup d'offres, eh bien, ça fait que les prix augmentent. Eh bien, ça fait partie des exemples de ça. Et donc, tout ça pour dire que les gens, ils ne réalisent pas la grâce et la bénédiction dans laquelle ils sont. Et ils veulent toujours voir, comme on dit, hein, le gazon du voisin. Hein, ils disent toujours le gazon du voisin est toujours plus vert que notre propre gazon ou son propre gazon. Les gens, ils regardent la situation des autres. Oh, regarde l'autre, lui, il a ça. Lui, il a une femme, il a une belle femme, il a beaucoup d'enfants, il a une belle maison, il a une belle voiture, il a un bon travail, il a un beau ci, il a un beau ça. Hein? Et donc, tu dis, moi, je suis pas satisfait avec qu'est-ce que j'ai. Hein? Si tu t'es satisfait de ce que tu as, de ce que Allah t'a donné, tu dis Alhamdulillah, peut-être que tu réaliserais que ça, c'est une grande grâce. Peut-être que l'autre là, toi, tu ne sais pas comment il vit, tu ne sais pas la réalité. Peut-être qu'il est malheureux dans qu'est-ce qu'il a, malgré qu'il a qu'est-ce qu'il a. Les gens, ils ne savent pas hein, la grâce dans laquelle ils sont. Des fois, les gens disent, ah, oh, mais regardez telle personne, elle est célèbre, elle est riche, elle est belle, elle est ci, elle est ça. Hein? Donc, ils s'imaginent que la personne, elle est heureuse. Ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Donc, si tu pouvais échanger de vie avec cette personne, peut-être que après une journée de cet échange-là, tu dirais, et je veux retourner à mon ancienne vie. Je veux reprendre mes affaires, qu'est-ce qui m'appartenait, parce que je remercie Allah que hein, j'étais dans cette situation-là. J'étais pas reconnaissant et j'avais pas réalisé à quel point j'étais bien. Hein? Eh bien, dans les pays, c'est la même chose. Les gens, ils ont dit, ah, mais pourquoi notre pays, il n'est pas comme ça? Et pourquoi nous, dans notre pays, on n'a pas ça? Et pourquoi nous, dans notre pays, les choses ne fonctionnent pas comme ça? Et pourquoi notre dirigeant, il est comme ça? Et pourquoi si, et si, et si? Et là, les gens, au lieu d'être reconnaissants, ou bien au lieu d'essayer de trouver des moyens qui sont en accord avec l'islam pour essayer de régler les problèmes, hein, et d'utiliser hein, la nasiha, et de faire des doigts, et ainsi de suite, non. Eux, ils veulent utiliser la méthode d'eux, la méthode des khawarij, ou bien la méthode des démocrates kuffars ou des laïcs, hein? Ceux qui se rebellent, qui font des coups d'État. Ils veulent la méthode des communistes, des socialistes, hein? Des gens qui prennent tout par la force et qui écrasent les autres. Et le résultat, c'est le malheur, et c'est hein, les problèmes, et c'est la division et tout ça. Le cheikh, il donne des conséquences, il donne des exemples, il les énumère. Il dit, Inna mufaraqat al-jama'at inna mufaraqat al-jama'a wal-khuruj 'ala al-imam fiha istibdalun lil-amni bil-khawf istibdalun lil-shab'i bil-jou' wa iraqatin lid-dima' wa hatkun lil-a'rad wa nahbun lil-amwal wa qat'un lis-subul وتسلط للسفهاء وانتشار للجهل ورفعة للجهال ونقد في العلم وغربة أهله وضعف الدين وغربته وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض والله لا يحب المفسدين. Donc il dit le cheikh, voici les conséquences de se diviser de la jama'a et de se rebeller contre le dirigeant. Et il énumère 10 choses. Il dit, c'est un remplacement de la sécurité par la peur. Donc au lieu d'être en sécurité comme tu l'étais auparavant, tu vas vivre dans la peur et dans la crainte. Parce que tu ne sais pas si tu sors de chez toi, qu'est-ce qui arrive. Hein? Il y a pas de, il y a pas de, peut-être qu'il n'y a pas d'électricité. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau courante. Peut-être qu'il n'y a pas justement de police. Hein, pour surveiller les routes et pour surveiller les chemins, pour veiller à ce que les gens ne se fassent pas tuer ou se fassent pas voler ou se fassent pas kidnapper. Hein. Il y a personne qui n'a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de punition si quelqu'un fait un crime. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la loi de la jungle. Hein. Quelqu'un peut rentrer chez toi, prendre tes biens, violer ta femme et tes enfants. Hein, se permettre de faire ce qu'il veut parce qu'il a une arme. Et toi, tu es chez toi à l'intérieur et tu peux rien faire. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de. La personne qui a des idées dans la tête, qui est fou, qui est maniaque, ou bien qui est jaloux, ou bien qui est envieux, il n'y a rien qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut. Hein? Et si il n'est pas capable de le faire tout seul et qu'il est capable de se mettre avec d'autres pour organiser un groupe pour faire ça à des gens. Eh bien, c'est ceux qui sont les plus forts ou qui sont les mieux organisés, c'est eux qui décident de faire ce genre de choses, eh bien, ils vont s'attaquer aux plus faibles. Et malheureusement, c'est ça. Donc, tu étais en sécurité, maintenant tu vis dans la crainte. Istibdalun li shab'i bil jou'. Hein? Ton ventre était bien rempli, tu mangeais bien. Maintenant, tu vis dans la faim parce qu'il n'y a pas de nourriture. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que la nourriture, elle est là, elle existe. Hein? Mais il faut une fortune pour pouvoir en acheter. Hein? Le blé, yani, toutes les choses les plus simples, là, le pain, le lait, les œufs, les choses que les gens mangent tous les jours. Hein, ça, les prix augmentent en flèche et peut-être même la valeur de l'argent, hein, elle devient tellement basse que l'argent n'a plus de valeur. J'ai vu ça en Irak lorsque Saddam Hussein est tombé. Tout d'un coup, la monnaie irakienne ne valait plus rien et on voyait des gens avec des grosses piles de billets qui se promenaient dans la rue. Hein, ils ne pouvaient rien faire avec cet argent-là parce que cet argent-là n'avait plus du tout de valeur. Hein? Et c'est ça ce qui arrive dans plusieurs pays où il y a des rébellions comme ça. Aussi, un autre exemple que le cheikh il a mentionné, ça c'est le deuxième. Donc on a mentionné deux. Le troisième, wa iraqatu dima, hein? Iraqatu dima, c'est-à-dire le sang des gens qui n'a plus de valeur. Ça veut dire les gens ils se permettent de se tuer, de s'entretuer sans aucune. Hein, pitié sans aucune rahma, et comme si rien n'était, donc ils font couler le sang des gens. Hein. Les meurtres, les jalousies. Des fois, il y a des gens qui avaient des problèmes avec quelqu'un depuis des siècles, même des années, des générations peut-être. Des familles qui s'entre-détestent. Ils ont vu que hein, il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées dans le passé, et là, ils ont vu l'occasion. Il n'y a plus de police, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus rien. Donc, ils se disent, bon, maintenant, on va se venger. Hein, c'est le temps de se venger. Donc, ils commencent à s'entretuer comme ça. Et il y a d'autres raisons aussi. Comme on a vu, par exemple, là, il y a eu, par exemple, dans certains pays, comme en Libye, par exemple, des régions où il y a certains groupes qui ont pris le pouvoir contre d'autres. Qui ont pris, qui ont, qui, et puis qui se font la guerre les uns aux autres et qui s'entretuent. Et des fois, par exemple, toi, tu ne veux pas rentrer dans ça, tu veux pas, tu veux être neutre ou bien tu ne veux pas te mêler parce que d'une certaine façon, tu dis, peu importe de quel côté je me mets, si je vais combattre l'autre côté, ce sont des musulmans. Et moi, je veux que mes mains soient propres et exemptées de tout sang des musulmans. Donc, je ne veux pas être. Hein, dans cette situation-là. Alors toi, tu t'écartes, mais eux, ils viennent et ils te prennent par la force parfois pour être avec eux. Hein? Donc tu vas faire quoi dans ce cas-là? C'est des situations difficiles. Le quatrième point que le cheikh a mentionné, hadkun lil a'rad, hein? Le fait que al-ird, c'est-à-dire l'honneur, hein? Ton honneur, elle risque d'être bafouée aussi. Hein, peut-être que quelqu'un il décide de violer ta femme ou violer tes filles hein, ou de s'attaquer à ton honneur. Hein, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas d'autre. Si dans ce pays-là maintenant, hein, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de justice, alors tu vas être brimé dans ton honneur. Un autre exemple, le cinquième point qu'il a mentionné, Nahbun lil Amwal. Hein? Si quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un veut se permettre de prendre ton argent, de prendre tes biens, hein, ta richesse, même s'il décide même de prendre ta maison, il te met dehors. Hein? Tu peux rien faire, à moins que à moins que toi-même tu commences à t'armer et que tu commences à hein, te barricader chez toi, puis là tu attends les assaillants avec des armes. Hein? Et ça veut dire que tu vas vivre comme ça. Vous savez, il y a des gens dans certains pays comme ça, même aux États-Unis ou ailleurs, ils ont préparé dans leur maison un genre de bunker. Là, ils ramassent plein de nourriture. Hein, ils se disent, bon, si jamais il arrive quelque chose, je vais pouvoir rester comme ça pendant au moins 5 ans. J'aurai des nourritures, j'aurai ci, j'aurai ça. Parce qu'ils pensent que la fin du monde arrive, donc ils veulent se préparer à ça. Ils imaginent ce genre de scénario-là, tu vois, et ils se préparent à ça. Donc, c'est pour dire, yani, subhanallah, comment certaines personnes comprennent le danger de ces situations-là. Mais, au lieu de préparer ce genre de choses, Le mieux, c'est d'éviter de se préparer dans le sens de faire en sorte que les gens soient éduqués à comprendre le danger de ces choses-là et à justement les éviter. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans ne réalisent pas ça et malheureusement, on se demande où est-ce qu'ils ont été éduqués parce qu'ils ne comprennent pas ces principes de la sunna et ces règles de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné au sujet de ça. Et donc, par conséquent, ils s'imaginent qu'il y a une autre méthode ou une autre voie ou un autre moyen pour arriver à ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans les problèmes dans lesquels ils sont maintenant. Un autre point, le sixième, c'est-à-dire là, tu ne pourras plus voyager d'une ville à l'autre. Pourquoi? Parce que les brigands ou les bandits ou les groupes, différents groupes qui bloquent les chemins, hein, donc, si tu veux passer d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, tu ne peux pas. Hein? Et il y en a qui se permettent aussi ou qui profitent de ça pour pouvoir voler les biens des gens sur les routes. Parce que les gens, quand il y a des situations comme ça, ils amènent toutes leurs richesses avec eux d'habitude, leurs économies. Et quand ils partent sur les routes, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La qibla, c'est par là. Ouais. Et donc, quand ils partent sur les routes, ils amènent toutes leurs affaires avec eux. Et il y a des groupes de criminels organisés qui attendent les gens sur la route et puis ils les assaillent comme ça, ils les assaillent sur le chemin, puis ils leur volent tout ce qu'ils ont. Hein? Et ça, on l'a vu dans beaucoup d'exemples dans l'histoire. Un autre exemple que le cheikh a mentionné, le point numéro 7, tasallutun lis-sufaha. C'est-à-dire les gens qui sont faibles d'esprit, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Hein? Et ils prennent avec eux des faibles d'esprit justement pour les manipuler, les contrôler bien, pour pouvoir justement semer la terreur chez les autres. Hein? Et on a vu par exemple dans certains pays en Afrique de l'Ouest et ailleurs, ils utilisent des enfants aussi pour ça. Pourquoi? Parce que les enfants, pour eux, c'est des gens qui sont faciles à manipuler. Ils les prennent quand ils sont petits, ils les endoctrinent dans leurs idées. Et puis, il leur donne des armes et il leur donne yani un peu d'argent, des choses comme ça. Après, ils font tout ce qu'ils veulent, hein, ces gens-là. Et donc, c'est eux, ces gens-là, faibles d'esprit, qui vont avoir le dessus et le pouvoir sur les autres et qui vont dire aux gens quoi faire et quoi pas faire. Et toi, tu peux rien faire dans cette situation-là. Hein, tout ça parce qu'il n'y a plus d'autorité dans le pays. Le huitième point qu'il a mentionné, c'est la diffusion de l'ignorance et l'élévation des ignorants. Dans des situations pareilles, personne n'écoute les savants et c'est les ignorants qui prennent le dessus, comme on l'a dit tout à l'heure, et en même temps, l'ignorance se propage parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'éducation, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que c'est la guerre, hein, dehors. Il n'y a plus d'école même. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens apprennent plus et à cause de ça, l'ignorance se propage encore plus. Le neuvième point, naqsun fil ilm wa ghurbatun li ahlihi. Donc ça c'est la conséquence de qu'est-ce qu'on vient de mentionner. L'ignorance se propage et il y a une diminution de la science et les gens de science aussi deviennent étrangers. Plus personne veut les écouter parce que ils pensent que bien entendu, s'ils ont à décider entre écouter un savant ou écouter un homme qui tient un fusil, ils vont préférer écouter l'homme qui a le fusil que écouter l'homme qui a de la science. Et l'autre exemple qu'ils ont mentionné aussi, c'est que le cheikh a mentionné, le dixième point, da'fuddin wa ghurbatihi. C'est-à-dire dans les situations où, dans des pays où il y a eu des problèmes comme ça. La religion devient très faible par la suite. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, les gens deviennent ignorants. Les gens pratiquent moins la religion parce qu'il y a trop de problèmes. Hein? Ils ont peur pour leur vie, ils ont faim. C'est pas un moment où les gens vont commencer à étudier la religion et commencer à vouloir justement la pratiquer. Donc, la religion devient faible et elle devient étrange. Et toutes les différentes catégories et les différentes formes de corruption et de désordre se propagent sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les gens qui font le désordre. Et il dit, Wasma' hafidhaka Allah ila istifta'in wujjiha. لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه، تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك لا ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك الدماء، يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. رأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. انتهى كلامه. Donc le cheikh il termine ce chapitre en mentionnant une citation ou une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il a été questionné. Et on sait que l'imam Ahmad, c'est l'imam d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Donc il a été questionné et il a discuté, et la discussion a été mentionnée justement. Qu'est-ce qu'il a eu comme discussion lorsqu'on lui a posé la question à propos de justement ce genre de choses, de la rébellion et de la révolte contre le dirigeant. Et il a mentionné, il a répondu à la personne qui lui a posé la question à ce sujet-là. Il dit: et observez bien ce que l'imam Ahmad a répondu et comment il a discuté avec la personne et comment il a mentionné les formes et les différents méfaits des rébellions contre les dirigeants. Et il rapporte donc cette parole de l'imam Ahmad qui est mentionnée dans As-Sunnah, écrit par un des compagnons de l'imam Ahmad, justement Al-Khalal, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi al-Harith al-Sa'ir. Il dit: j'ai demandé à Abdullah, le fils Abu Abdullah, j'ai demandé à Abu Abdullah, parce que l'imam Ahmad, son fils s'appelle Abdullah, ou un de ses fils s'appelait Abdullah. Alors il lui dit: j'ai demandé à Abu Abdullah, c'est sa kunya, donc il a demandé à l'imam Ahmad à propos de quelque chose qui s'était produit à Bagdad. Et des gens parmi eux avaient eu l'intention de se rebeller contre le dirigeant à cette époque. Alors ils ont demandé à l'imam Ahmad: qu'est-ce que tu dis de ceux-là, de cette rébellion? Et l'imam Ahmad a condamné ce qu'ils faisaient. Et il a condamné leur opinion. Et il a dit: Subhanallah, préservez le sang des gens, préservez leur vie. Il a répété, Ad-dima, Ad-dima, c'est-à-dire, craignez Allah, ne faites pas couler le sang des gens. Il dit: je ne vois pas la validité de ce que ces gens-là veulent faire, et je ne leur donne pas non plus. Et il dit d'être patient dans ce que nous sommes est mieux que d'être dans la fitna, dans le désordre et le chaos et les tribulations. Et il dit, lorsqu'il y a une fitna, le sang des innocents coule et on se permet de prendre leurs biens et on se permet aussi d'attaquer leur honneur. Et ne sais-tu pas qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, il y en a de la fitna, comment les gens ont vécu dans la période de la fitna? Et la personne a répondu à l'imam Ahmad en disant: oui, mais aujourd'hui aussi les gens sont dans une fitna. Il dit: aujourd'hui, est-ce que les gens ne sont pas dans une fitna encore maintenant? Ya Aba Abdullah. Et l'imam Ahmad a répondu, il a dit: même si, ce n'est pas une raison pour se rebeller. Il dit: parce que la fitna qui existe actuellement, il dit, c'est une fitna qui est spécifique et particulière à certains individus. Mais si les gens se rebellent et qu'ils prennent l'épée contre le dirigeant, eh bien, à ce moment-là, la fitna, elle va être généralisée. Et les chemins vont être coupés. Il n'y aura plus de circulation, plus de commerce, plus rien. Et donc, il dit d'être patient et d'endurer cette situation-là, c'est mieux pour ta religion, hein, et meilleur pour ta religion. Et à la fin, il dit, donc je l'ai vu, qui condamnait la rébellion contre les dirigeants, et il disait le sang, c'est-à-dire faites attention à ne pas faire couler le sang, à ce que le sang des innocents ne coule pas. Et il dit, je ne vois pas la validité de ça et je ne l'ordonne pas. Donc ça, c'est la fin de cette parole et de cette citation de l'imam Ahmad ibn Hanbal. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de ce livre au prochain cours, Inch'Allah. Il nous reste un dernier chapitre dans le livre et ce chapitre-là, c'est le chapitre au sujet de la mise en garde contre les causes qui amène à la division de la Jama'a. Et il a mentionné à ce sujet-là, huit causes, et on va les expliquer les unes après les autres. Et ces causes-là, c'est al-ijtima'at al-sirriya, al-tahazzub, mukhalafat al-shar' fi tariqat al-amr bil-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, ittiba' al-hawa, التواني في القضاء على بذور الخروج إساءة الظن بولاة الأمر سب الولاة التصدر للعلم الشرعي من جهال في الحقيقة. Donc ça c'est les huit causes, hein, les huit causes qui amènent à justement ce genre de division là et de rébellion. Et donc on va commencer l'explication de chacune de ces différentes causes là dans les cours qui suivent, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.